Le bouc. Son odeur le précède. On ne voit pas encore qu'elle est arrivée. Il s'avance, en tête du troupeau, et les brebis le suivent, pêle-mêle, dans un nuage de poussière. Il a des poils longs et secs qu'une raie partage sur le dos. Il est moins fier de sa barbe que de sa taille, parce que la chèvre aussi porte une barbe sous le menton. Quand il passe, les uns se bouchent le nez, les autres aiment ce goût-là. Il ne regarde ni à droite ni à gauche. Il marche raide, les oreilles pointues et la queue courte. Si les hommes l'ont chargé de leur péché, il n'en sait rien, et il laisse, sérieux, tomber un chapelet de crottes. Alexandre est son nom, connu même des chiens. La journée finie, le soleil disparu, il rentre au village avec les moissonneurs, et ses cornes, fléchissant de vieillesse, prennent peu à peu la courbe des faucilles.